pourquoi chaque fois les rencontres se finissent sur ce jeu-là être compte. Oui, tout compte. Je conçois un petit câlin. Vivre sans plaisir nous pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Vivre sans plaisir nous pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Dites-moi doucement un sourire que votre veine se murmure dans un soupir. Sans plaisir, on pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Vivre sans plaisir, on pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Une caresse douce contre ta joue, double ganté velours. Quelques humeurs qui s'enfilent sous notre bel amour. Le plaisir d'être bien seule, oui seule, toute seule. Le plaisir d'être bien seule, toute seule avec toi. Les combats, l'agression, un désir. Vivre sans plaisir nous pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Vivre sans plaisir nous pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Vivre sans plaisir nous pousse toujours à gémir, se prouver à tous qu'on sait encore rire. Une caresse douce contre ta joue, double ganté. Quelques humeurs qui s'enfuient dessous.